Le 21e séminaire des partis politiques du monde sur l'édification d'une société nouvelle a lieu en Mexique. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques mexicains, les délégations et délégués de plus de 130 organisations politiques et sociales de 35 pays, y compris la Corée. Y ont participé également à titre d'observateurs les parlementaires de divers pays de l'Amérique latine, les représentants diplomatiques de divers pays au Mexique, les délégués des organisations sociales relevant du Parti travailliste mexicain. Il y a eu des discours de félicitations et la lecture du message de félicitations du Comité central du Parti du Travail de Corée, suivi des interventions. Les orateurs ont témoigné du soutien total à la lutte des militaires et civils coréens qui renforcent davantage leurs forces de dissuasion nucléaire autodéfensive et déjouent parfaitement les manœuvres d'isolement et de pression continue des États-Unis et de leurs suivistes. Ils ont condamné les machinations des États-Unis qui détruisent la stabilité politique des États souverains et violent leurs intérêts économiques et appelé les forces progressistes des pays latino-américains à s'unir étroitement. Les participants ont adopté la résolution de solidarité en faveur de la juste cause du parti et du peuple coréen.